por la casa baila, por los ojitos y tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Une nation qui refusait les langues, les cultures, identités sur son territoire. Une nation qui refusait les langues, les cultures, identités sur son territoire, se condamnait elle-même. Elle trahissait les idéaux d'humanité qu'elle inscrivait au fronton de ses monuments. Et un coup de maille commença de bramar la canzone de la vie. Si tu accentes en retourné que ville. Si pour démaliser le Rhin, mon ban à cause beaucoup. C'est moi Jacques Chirac, le faisant. Ouais, un peu révolutionnaire, un peu contestataire. J'ai manifesté pendant près d'un mois contre les lois qui sont passées là, et effectivement, oui, j'ai levé le poing. Ils sont extrêmes? Parfois. Oui, mais c'est pour la provoque, il faut aussi défendre l'utopie. Hey, tu ne vas pas être un guerrero en un año, ni en dos, con el libro, con el cuchillo. Reixa esperança, sueta xudera. Au, au, au. Gabon, bonsoir. Bienvenue. Ah, oulala. Sí, hemos vuelto en directo. Eso es, desde los estudios de Irala, en Irola, y sintonizando el 107.5 FM. Escucháis Irola y Ratia Radio Librea. Con todavía un poco de retraso dentro de todo, hoy hacemos el programa de noviembre, casi estamos a tiempo. Y seguimos ya empezando con lo que vamos empezando desde este año, pues el mes de noviembre. Este mes toca en la canción de Renaud, el hexágono, y el estribillo de noviembre, eso dice. En novembre, au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers le dernier modèle de chez Peugeot qui pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Le supprimer, c'est le tuer. C'est une drogue à accoutumance. En novembre, en el salon de l'automobile, van a mirar por a millones de personas el último modelo de Peugeot que nunca se puedan comprar. El coche, la tele, los juegos de dinero, de apuestas, es el opio del pueblo de Francia. Suprimirlos es matarlo, es droga. ¿Qué pide más? Ahí. Bueno, un temita en relación a estas cosas. En un tema de la colina, una banda que por desgracia ya no existe. Viene del sureste de Francia, de. Pues como se dice, como dice su nombre, de la colina, del monte. Y vienen de. Ahí de pueblitos. Era una banda de colegas ahí de. Que se unieron e hicieron dos álbums guapos. Hasta organizaron un festival de la colina durante varios años, que cada fin de semana en el verano se hacía en un pueblo diferente y movía muchísima gente, muchos grupos guapos, pero no sabemos nada de ellos ahora, así que algún día les buscaremos otra vez a ver qué han hecho después de estos discos. Y pues eso, el tema que escuchamos, que vamos a escuchar desde la colina, se llama Scapitalista. Muy bonito, muy guapo. Ahí disfrutar. Méfie-toi de l'argent, du pèse de la monnaie. Car depuis longtemps, beaucoup se sont fait niquer. L'annexe, c'est que tu triques quand le fric applique. C'est systématique. On ne doit pas s'entrer dans la rythmique capitaliste. Dis-toi que chacune gagne, ajoute un soumis dans la liste. En effet, grâce aux soumis, au peuple d'Afrique et d'Asie, nous apprécions notre niveau de vie si agréable et ton chéri. Apprenti capitaliste. Apprenti capitaliste. As-tu idée pourquoi tu existes? Apprenti capitaliste. Il est temps d'être réaliste. Apprenti capitaliste. Et respecter ceux qui subsistent. Seule manière pour le respecter. Refus de capituler au capitalisme sauvage. Imposé dès le plus jeune âge. Arrêtons le carnage. Créa pression le partage. Quelle puissance d'argent du confort peut nous faire ignorer des morts. Il faut modérer nos envies. Arrêtez ces conneries. C'est bien tonnerie. De consommateurs occidentaux qui veulent jouer le plus joli. Bien que son geste soit fatal pour celui qui l'a construit et ceux qui n'ont que dalle. Apprenti capitaliste. As-tu idée pourquoi tu existes? Apprenti capitaliste. Il est temps d'être réaliste. Apprenti capitaliste. Et respecter ceux qui subsistent. Ces phénomènes ont été compris par les saloperies politiques au PDG de Boca ou de Nestlé qui ne font que de localiser, profitant de la pauvreté au grand plaisir des Français qui voient les prix baisser. Douleur. L'odeur de la mort. Apprenti capitaliste. As-tu idée pourquoi t'existes? Apprenti capitaliste. Il est temps d'être réaliste. Apprenti capitaliste. Et respecter ceux qui subsistent. C'est toujours les pauvres qui encaissent. Et c'est toujours les pauvres qui encaissent. Apprenti capitaliste. As-tu idée pourquoi t'existes? Apprenti capitaliste. Il est temps d'être réaliste. Apprenti capitaliste. Et respecter ceux qui subissent. Oui, pour aider, oui, pour parler. Tu veux faire voler. Et d'abord, mais certains mènent de contuer. Oui, il faut aider, oui, il faut partager. Tu veux faire voler. Et d'abord, mais certains mènent de contuer. Apprenti capitaliste. As-tu idée pourquoi t'existes? Apprenti capitaliste. Il est temps d'être réaliste. Apprenti capitaliste. Et respecter ceux qui subsistent. Tenter par la loi du tout pour moi. Eya réfléchit à ça et n'interrompt pas le combat. Eya un jour viendra, on détrônera l'argent roi. force de capitaliser pour assurer ton avenir, le présent a passé. Et tu n'as pu construire qu'un compte en banque chargé. Ta vie n'est qu'un souvenir, rapide sans intérêt, plus léger qu'un soupir. C'est simple, tu travailles et tu gagnes de l'argent, assez pour t'acheter une grosse voiture. Et tu n'as plus le temps de voir tes enfants, mais leur père a une grosse voiture. Et leur rêve, c'est quand ils seront grands, d'avoir une grosse voiture. Moi je trouve ça plutôt décevant, c'est assez léger comme culture, transmise toute une vie par des parents à leur progéniture. Apanti-capitaliste, as-tu idée pourquoi t'existes? Il est temps d'être réaliste et respecter ceux qui subsistent et n'ont rien à manger. Par notre beauté, c'est d'un passé que l'on doit réparer. On assassine l'humanité, on assassine l'humanité, on assassine l'humanité, on assassine l'humanité, l'humanité. Dollar, douleur, dollar, douleur, dollar, douleur, dollar, douleur, l'odeur de l'or, l'odeur de la mort, l'odeur de l'or, l'odeur de la mort, l'odeur de l'or, l'odeur de la mort, l'odeur de l'or, l'odeur de la mort. Apprenti capitaliste, apprenti capitaliste, as-tu idée pourquoi t'existes? Apprenti capitaliste, il est temps d'être réaliste, apprenti capitaliste, et respecter ceux qui subsistent. C'est toujours les pauvres qui encaissent, et c'est toujours les pauvres qui encaissent, le plus riche qui s'engraisse. C'est toujours les pauvres qui encaissent, le plus riche qui s'engraisse. Et c'est toujours les pauvres qui encaissent, le plus riche qui s'engraisse. Apprenti capitaliste, apprenti capitaliste, apprenti capitaliste, as-tu idée pourquoi t'existes? Apprenti capitaliste, il est temps d'être réaliste, apprenti capitaliste, et respecter ceux qui se disent. Oui, toi, t'es où, t'es pas tombé. C'est mieux de se faire voler et de l'avoir assez. Oui, il faut aider, oui, il faut partager. C'est mieux se faire voler et d'avoir mérité. Apprenti capitaliste, apprenti capitaliste, apprenti capitaliste, as-tu idée pourquoi t'existes? Apprenti capitaliste, il est temps d'être réaliste, apprenti capitaliste, et respecter ceux qui se disent. Pognon, nouvelle religion, le profit, nouvelle prophétie. Pognon, nouvelle religion, le profit, nouvelle prophétie. Le pognon, le profit, le pognon, le profit. Ouh là là! De la colline est capitaliste, appendi, un tema que tiene unos 15 años y también por desgracia pues no sigue de actualidad, ¿no? Y así dicen, ¿no? Appendiz capitalista. ¿Tienes idea por qué existes? Más adelante también dicen siempre. Trabajas y ganas dinero, lo justo para comprarte un coche guapo. Y el sueño de tus hijos serán de comprarse un coche guapo. Muy cultura muy ligera, transmitida toda una vida a su de padres a niños y niñas. Dolor, dólar. Era de la colina y seguimos porque el mes de noviembre es en Francia el mes del Beaujolais, que es un vino joven y que me encanta, y el tercer jueves del noviembre siempre cada año sale el Beaujolais nuevo, el nuevo Beaujolais, y se hace fiesta en la zona de Borgoña, ahí entre Borgoña y Lyon, más abajo, más arriba, toda esta zona un poco, y la Ruquetanu han hecho un tema para eso, entonces lo tenía que pasar. Es del disco último que han sacado también, que pasamos el mes pasado, entonces sigue de actualidad. Y además porque en noviembre es el momento, así que le Beaujolais nouveau est arrivé. Troisième jeudi du 11e mois, un cœur dans mon calendrier. Jeff, lui, il en a mis trois, c'est l'événement de l'année. On s'en fout si c'est de l'arnaque. comme on n'a pas de volonté. Le vin en vrac nous mettra en vrac. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Il y a des carreaux sur les nappes, des verres qui tiennent pas sur leurs pieds. Ça sent bon la dernière étape, ça sent fort la ligne d'arrivée. Pendant qu'on coupe le saucisson, Jeff qui a failli tout faire valser, réclame un air d'accordéon. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Comptoir, sortent les voix lides. Garçon, à ballon s'il vous plaît. Patron, ma gourde est vide. Y a de l'instit et du plombier autour d'un jus de bananier, farci de vieux bonbons anglais. Yes. Dès que le rouge vire au violet, le Beaujolais nouveau est arrivé. Gueule de bois, au nom du repos du guerrier. Jeff grave et la main sur le foie, rêve d'un lendemain férié. Demain, vu que ça se verra, on se dira vous en étiez autour d'un verre de soda. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Hola. Muy bien, estáis en Ulala, en Irra y Ratia. Y... eso era la música, la canción del Beaujolais, perdón. Estamos en directo, así que... fallitos y directos. Y seguimos con el grupo que se llama Yaros, con el tema Barbarie, Barbaria, de su último disco que acaban de sacar en noviembre también, que se llama Apnée. Algo bastante conceptual, bueno, un poquito, no tan, algo curioso, vamos a decir. Y vamos a ir subiendo, hoy es un programa muy, muy musical y... y vamos a poner ritmos, más ritmos cada vez. Puisque le monde vacille dans un carré d'ortie, puisque les voix oubliées sont des rêves transis, puisque le temps des amants chante encore dans le vent, puisque le chant des enfants s'est couché au brisant, puisque le cœur est crevé comme un ballon de silence, puisque la peur est cachée sous la peau d'ignorance, puisque le corps est marqué au fer blanc de l'oubli, puisque ta peau est blessée comme un soleil, comme un soleil endormi, comme un soleil endormi, comme un soleil endormi, comme un soleil. puisque les mots de ta bouche sont réduits en poussière, puisque la mer est transie sur un lit de lumière, puisque le sol se dérobe sur les pieds de l'envie, puisque le sang s'est laissé aux médias compagnie, puisque tes poings vont fuser comme des lance-pierres, puisque le temps les a souvent réduits en poussière, puisqu'il te reste à crier derrière les meurtrières sur des champs de lumière. Sur des champs de lumière. Sur des champs de lumière. Par une nuit libertaire, puisque les fleurs ont fané sous une pluie de prières, puisque le sang est versé sur les galets de la paix, puisque le vent a soufflé sur les plus belles idées, sont laissés au banquet des puissants, puisque les rêves sont volés aux armées d'ignorants, puisque tout et puis rien, puisque nous et puis vous, de lumière, sur des champs de lumière, sur des champs de lumière, sur des champs de lumière. Yaros. E il tema Barbarie con un videoclip molto interessante e mirar. E seguimos con otro concepto de Loïc Lantoine, cantautor che non canta, come si define él. E esta vez se ha mezclado con Marc Namour. Que es más rapero y artista performer, así. Y han hecho un disco, un completo, muy interesante. Y un tema, este tema, que se llama Le visage du clan, la cara del clan. Je mets mes souvenirs en vert et ça commence hier. On était presque beau, on était presque fiers. Ces gouttes d'à peu près dégringolent en rivière. Et nos vies qui rigolent creusent jusqu'à la mer. La chapelle d'Armentières juste à côté des fous. Mon cœur en reste dingue, mais leurs visages sont flous. J'ai su qu'une grande personne qui a perdu la raison peut avoir des sourires qu'en dirait une maison. Mais on s'en souciait pas, demain n'existait pas. Les frontières du parc nous refoulaient la nuit. Maman, je rentre vite, il fait noir et il vente. Le gardien de la mairie et ses dents d'épouvante. Il sait qu'on a trouvé et fumé cette Peter stupéfaisante. Rouge. L'avenir était à nous et on parlait basket. Quand on croisait les scratchs, c'est la rentrée, t'inquiète. On savait rien, on savait tout, notre acné était bête. On a vécu, on a vaincu, on n'a rien vu dans ce petit pays, ce grand chez nous, ce petit étang. Quand on frottait le banc. L'odeur du bleu de travail de mon grand-père avant lessive. et son mauvais patchouli des soirées festives. Le crissement des baskets neuves de mon oncle sur le lino de la cuisine. La classe petit, j'hallucine. La nonna qui roupille dans son fauteuil au salon, talons en l'air sur un tabouret tam-tam marron. La cité est neuve, on est parmi les premiers locataires. Notre HLM à cette époque était la bonne affaire. Les appels d'air du frigo parfois sont agressifs et les pare-chocs se rafistolent avec de l'adhésif. Mais y'a de l'amour et de la bienveillance, alors ça va. La Smala est unie à chaque fois que le coup dur s'abat. Quatre générations sous le même toit en arrière-base, l'italien, l'arabe et le français dans la même phrase. Le métissage du Balmatour était une évidence. On se serrait la ceinture et les coudes en bonne intelligence. C'était ma rue, ce qui me reste de l'héritage du banc. Mon patrimoine, mes repères quand la vie brasse du vent. Ces souvenirs sont figés dans les mirages du temps. Inoubliable, j'ai beau lutter, j'ai le visage du clan. Ouais, ma rue, ce qui me reste de l'héritage du banc. Mon patrimoine, mes repères quand la vie brasse du vent. Ces souvenirs sont figés dans les mirages du temps. Inoubliable, j'ai beau lutter, j'ai le visage du clan. Les sessions interminables, la science et la mesure. On se saoulait de son pour s'aider à faire le mur. Le micro en plastique, le poste à double cassette. J'apprends la puissance des mots sous ma double casquette. La soul funk des grands frères et leurs yeux rouges. Et l'ennui et l'été qui dure car personne ne bouge. Les méchus en chien au lac à drague et l'hollandaise. Si j'écrivais l'histoire, pas sûr que le roman plaise. Les squats à la salle du foyer des jeunes travailleurs. Et la mairie qui nous disait d'aller se faire voir ailleurs. Tous à la one again, tous à la boule à Z. On a compris qu'ici l'appel à l'aide c'est pas la peine. De la noblesse, de la fierté dans le regard. L'urgence de la débrouille avec un train de retard. Dans la bagarre ma ligne de front fut légendaire. Ça c'est pour mes lions et mes panthères. Devenir grand c'est du boulot, l'espoir était timide. Mais le rêve de gosse tutoyait l'infini. Des pas finis qui réclamaient la paix dans le monde. Et les mobs sont 3 SP, j'ai ni l'une ni l'autre. La limite de l'ascension sociale était le regard de mon père. Qui sait qu'un ouvrier traité qui pisse dans son jardin l'hiver est plus beau que l'insatiable sur de ses fables qui parlent seul à table. Quand t'as rien que 10 ans, les années sont très longues. On connaissait même pas la pointure du monde. On poussait pas beaucoup sauf 3 semaines par an. C'était camping, pang, caravane et parents. Marc, je les ai vues tes Hollandaises. Elles étaient grandes, j'étais petit. Mes déclarations étaient niaises. Mais on se pensait libre et on se mélangeait. 10 heures, tu dois rentrer. On fermait fort la tente, on la rouvrait doucement. Et on courait, on montait, on riait. Bientôt septembre, à nous le banc. C'était ma rue, ce qui me reste de l'héritage du banc. Mon patrimoine, mes repères quand la vie brasse du vent. Ces souvenirs sont figés dans les mirages du temps. Inoubliable, j'ai beau lutter, j'ai le visage du clan. Ouais, ma rue, ce qui me reste de l'héritage du banc. Mon patrimoine, mes repères quand la vie brasse du vent. Ces souvenirs sont figés dans les mirages du temps. Inoubliable, j'ai beau lutter, j'ai le visage du clan. Inoubliable, j'ai beau lutter, j'ai le visage du clan. Visage du clan, la cara del clan de que Luciano todo mi pasado en mi suburbio hace e hizo lo que soy. Ahí seguimos con Melissa and the Swing Lover y un poco más alegre. Ah, dis bonjour. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ta fenêtre au jour. Laisse entrer chez toi le quai soleil et dis yadi yadi yadi à bonjour. Cueille la fleur la plus belle, chante une chanson nouvelle. Et va-t'en courir sur les chemins qui sont de la nature les lignes de la main. Prends un bain dans la rivière, sèche-toi dans la clairière. Et n'assieds pas ton derrière sur les orties familières. Dis-toi que le temps est court, qu'il faut penser à l'amour. Ouvre ton cœur et ta fenêtre au jour et dis yadi yadi yadi à bonjour. Thank you. sèche étoile que soleil. Et dit yadi yadi yadi ya bonjour. Cueille la fleur la plus belle, chante une chanson nouvelle. Et va-t'en courir sur les chemins qui sont de la nature, les lignes de la main. Prends un bain dans la rivière, sèche-toi dans la clairière. Et n'assieds pas ton derrière sur les orties familières. Dis-toi que le temps est court, qu'il faut penser à l'amour. Ouvre ton cœur et ta fenêtre au jour. Et dis adi adi adi à bonjour. Adi adi adi à bonjour. Adi adi adi à bonjour. Adi adi adi à bonjour. Adi adi adi à bonjour. Adi bonjour. Adi gas bonjour. Ahí, muy, muy bonito este swing jazz, un poco manouche en la música y este canto alegre, femenino, voz femenina, así. A mí me gusta mucho. Y con letras pues, muy ahí alegres. Aquí dice sobre todo de. De hay que no pierdas el tiempo, hay que disfrutar del amor. Pero luego hay otros temas que pasaré más adelante, por marzo, por ejemplo, o algo así, que es un tema así feminista, muy guapo, pero lo guardamos. Vamos a seguir con Monokini, que ha sacado en noviembre también su mini disco de 6 temas, ahí se llama Merci Bisous. Y ahí también canta un chico, una chica. Y pasamos también hace un mes o dos, no me acuerdo bien, un tema de ellos cuando les descubrimos ahí que sacaron solo un. Des yeux qui font baisser les miens. Un temita. que se llamaba Quand c'est non, c'est non. Cuando es no, es no. Cantado por la mujer. Si os acordáis, y si no, ir a escucharlo. Pero volveremos a pasarlo, imagino, en el futuro. Y vamos con el tema Mon papa ne veut pas de Monokini. Mi papá no quiere. Lo que suena ahora es Melis. Era una canción escondida al final del disco. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Ah, voilà, il s'est reconnu, ouais. Des nuits d'amour à ne plus finir. Est-ce la violence qui prend sa place? Vale, seguimos, como hemos dicho, muy bonito. Años 50, ahí con este sonido. Me encanta. Ay, Monokini, merci, bisou. Un tema cortito. Mon papa ne veut pas. Mon papa ne veut pas que je sorte tard le soir. Mon papa ne veut pas que j'aille au bal pour te voir. Mon papa ne veut pas que je boive de sa champenoise. Mon papa ne veut pas que je fume ses gauloises. Dès la sortie du lycée, je vais au café du coin pour m'enivrer de volupté et me jeter dans tes bras. Mon papa ne veut pas que je rate un jour d'école. Mon papa ne veut pas que j'écoute du rock'n'roll. Mon papa ne veut pas que je maquille mes paupières. Monokini, merci, bisous. El tema. El tema. Mon papa ne veut pas. Mi papa no quiere. Sigueis escuchando Ulala. Y Nirola Irratia 107.5. Que se escucha ahora, se sigue escuchando, se lucha para que se siga escuchando más cercana en la FM, pero se sigue. Y gracias a todos los que lo hacen posible. Y, pero seguimos en irola.org, donde podéis ver todo lo que se hace en la radio y más cosas todavía. Y en archive.org también para descargar programas y cosas libres, ¿no? Ahí, y seguimos en música con otra voz femenina que me encanta, Ellen Piris, cantautor, violonchelista. Ahí, uff. Pues sí, a veces y a menudo canta solita con su violonchelo y con letras muy percutantes, muy crudas según qué tema. Mola un montón. Y ha hecho un disco pues ahora también, hace un mes, el mes de noviembre, claro. Y ha hecho un tema ahí, aquí lo canta con San Severino, que lo pasamos el mes pasado también. Rock and Roller, San Severino, que toca mucho tipo de rock, blues, jazz, manouche, guitarrista muy, muy bonito, muy guapo. A buscar si os gusta, claro, este tipo de música francesa, con letras muy locas también. Y han hecho un tema, bueno, él canta con ella en este videoclip, además, que es muy guapo, muy divertido. Y se llama Madame de Pôle Emploi. El Pôle Emploi en Francia es como el Lambide aquí, o el INEM, ¿no? La Agencia por el Empleo. Y pues ella es la señora del Lambide. Y el otro es Michel, que es electricista. Y claro, como son esta gente de profesional, de buscarte empleos, pues le proponen todas cosas que no le corresponden, como lo hacen mucho, ¿no? Y eso me parece además una cosa muy, muy internacional. Ahí va Madame de Pôle Emploi, Ellen Piris y San Severino. Bonjour Madame de Pôle Emploi. Bonjour Michel, ça va? Ça va, merci, et vous? Bien, je vous remercie. Vous allez être content, mon petit Michel. Ah ouais? J'ai une nouvelle offre d'emploi à vous proposer. Ah, enfin. Et si vous voulez un conseiller, vous n'allez pas la refuser. Ouais. Vous avez de l'appétence pour les métiers de bouche et la relation client. Formez-vous dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi en vue d'embauche en tant que écuyer. C'est très gentil madame, vraiment, vraiment, merci beaucoup. Mais je suis électricien, je ne digère pas les oursins. Radiez-moi le Pôle Emploi si vous voulez, je vais me débrouiller. Me débrouiller. Bonjour Madame de Pôle Emploi. Bonjour Michel, ça va? Ça va, merci, et vous? Bien, je vous remercie, vous allez être content mon petit Michel. J'ai une nouvelle offre d'emploi à vous proposer. Et en tant qu'électricien cette fois, et si vous voulez un conseil, vous n'allez pas la refuser. Dans le cas d'une immersion proche d'un centre commercial très attractif, nous recherchons dès aujourd'hui un électricien, installation réseau à Biarritz, proche banlieue, pour 5 heures par semaine. C'est très gentil madame, vraiment, vraiment, vraiment, merci beaucoup, mais j'habite à Montluçon avec ma femme et mes trois garçons. Radiez-moi le Pôle Emploi si vous voulez, je vais me débrouiller. Vous débrouiller? Me débrouiller. Vous savez mon petit Michel, si vous voulez retrouver du travail, il faudra faire quelques petits efforts. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et les chemises à carreaux et la moustache, on en parle? Et un petit régime et un peu de sport, qu'est-ce que vous en dites? Moustache, quand même. Ouais. Et aussi, faites-moi plaisir, Michel, votre accent bizarre, là, je ne sais où vous citerez. Attention pour entretien d'embauche. Oui, mais ma moustache. Le travail des seniors, c'est déjà pas facile, alors mettez-y un petit peu du vôtre. Hein? Mon petit Michel. Voilà que depuis quelques mois, Michel vient plus à Pôle emploi. Non. Apparemment, c'est sa cousine qui l'a retrouvée dans la cuisine. Sur la table, Michel a laissé une lettre. À l'attention de Pôle emploi et du président, ceci est une invitation à mon enterrement. Et si vous voulez un conseil, il vaut mieux ne pas la refuser. Et si vous voulez un conseil, il vaut mieux ne pas la refuser. Et si vous voulez un conseil, il vaut mieux ne pas la refuser. Oh yeah! Si queréis un consejo, no rechazad la oferta. Y pues, un poco triste la historia porque acaba suicidándose el pobre Michel electricista. Pero muy, muy divertido el tema. Ahí, encadenamos con Killing Volts. Vamos a acelerar un poco el ritmo, electrificar un poco todo y un grupo suizo de Lausanne ahí, muy interesante lo que hacen, y voz femenina también, y pues sacaron el primer álbum ahora en 19 de noviembre, Symptomatic Dilemma. Killing Waltz et le thème Not Ascent de Switzerland. Como que aquí ahí no se hace solo chocolate y queso de fondue. Y eso es 69 dB, que me gusta porque sí. Ahí seguimos en Ulala, en directo, en Irola Irratia, 107.5 FM. Y vamos a seguir con unos temas más metálicos y eléctricos. Y vamos a empezar con... vamos a hacer una ronda de 4-5 y vamos a empezar con Massisteria, grupo de... que perdió el principio, el 6 de noviembre, el bajista Stefan Jacket, falleció en el 6 de noviembre con 53 años. Entonces, pues eso, ha perdido el grupo su alma, como dicen, es el que fundió, que empezó el grupo ahí de Massisteria. Y pues claro, un hueco duro para ellos, porque siguen de medio gira y pues a partir de febrero hay todo una gira que se organiza justamente con los tres otros grupos que vamos a pasar después. Llaman el concierto les cuatro gros, los cuatro gordos grandes, y es un concierto con Massisteria, Ultra Vomit, Tagada Jones y No One Is Innocent. Y pues ahí a ver cómo se apañarán, imagino que será duro. Pero vamos a pasar un tema del Massisteria y el tema del último disco, que se llama L'Arme des Ombres, la Armada de las Sombras. Y el tema que ponemos es Positif a Bloc, Positivo a Tope. Ahí, Massisteria. El directo. Positif a bloc, más histeria. Y ahora 69 dB de fondo. Pues eso, más histeria. Hay rip, como dicen, para el bajista. Y ahí pues a seguir esperando que los conciertos se van a poder hacer, tanto por el grupo en sí, pero por, también por todos estos pases e impedimentos y todas estas cosas que nos piden al entrar en cualquier sitio ahora, o en Francia desde hace tiempo. Pero a ver cómo será. Igual una cosa es hacer pues como la rue Quetano que hemos pasado al principio, que canta el Beaujolais, ahí. Han hecho un concierto justamente el día del Beaujolais, sin anunciarlo, escondidos en una bodega. Concierto semi-privado, porque la gente podía ir todos los que querían, ahí, de boca a boca. Igual hay que volver a estos a conciertos así más piratas, tipo Free Party de los 90. Donde teníamos que esperar el último momento para saber dónde estaba, llamando a un contestador que nos explicaba desde una cabina telefónica de cualquier pueblo perdido, que nos explicaba la carretera para llegar al campo o a la nave o a la vieja casa donde se hacía la party, la free party. Igual hay que pensar en otra manera de hacer estas cosas más libremente. Esto no nos quita el cuidado que podemos tener unos hacia los otros. Como dicen por ahí. Ahí vamos a seguir con Ultra Vomit, y el tema se llama Cantar. Es una forma de decir camión en francés, y pues ellos siguen la misma onda que lo de antes, que más histeria en este metal, pero más loquillo, diría yo, más alegre. Ahí Ultra Vomit, que ya tiene también sus 20 años de grupo. Adelante. Come time. cantar de ultra vomite. Podemos seguir de fondo con otro tema suyo que es el tren fantôme, el tren, ¿no? El tren fantasma, sí. Que es así un poco. L'autre fantôme, si vous avez peur, c'est parce que vous venez de monter à bord du train fantôme. Le train fantôme. Con un videoclip ahí de dibujos animados de un tren fantasma. Ahí Ultra Vomit. Seguimos con Tagada Jones, otra banda de esta manada de grupos que van a girar juntos. Ellos han cumplido este mes 28 años de grupo. Ya todos empiezan a tener sus edades, pero están ahí en el escenario a tope siempre, la dan todo y mola un montón. S'asseoir à côté du monsieur là-bas tout seul. Et là, le final des Trains Fantômes. Et ahí con Tagada Jones, del último disco, sí, también del nuevo disco, álbum que han hecho a feu et à sang, a fuego y a sangre. Y el tema se llama Los Cuatro Elementos. Amazing and beautiful, oh man. Tagada Jones, les quatre éléments. Milo, à la terre, à caer. Ahí seguimos, directo con No One Is Innocent, el último disco de noviembre también, se llama Enemigos, de No One Is Innocent, y vamos con el tema de las hienas de la información. Todos estos, bueno, el nombre dice todo, ¿no? No one is innocent. Y del último disco, Enemigos. El tema Leyen de l'info. Y No One Is Innocent. Han vuelto a sacar su primer disco. Que mola, que se llamaba No One Is Innocent. Y en vinilo, y que no existía, y lo acaban de sacar. Entonces vamos a poner el tema que abre este álbum, que ha sido uno de los temazos de No One Is Innocent. Se llama La Peau, La Piel. Pues ahí va, del Gran Cañón al Yemen. La piel es la misma. Somos de misma color piel. One is Innocent, La Peau, La Piel, del primer disco que han vuelto a sacar en vinilo. Y ya nos despedimos de este directo desde Irora Irratia. La Ulala, noviembre, en diciembre. Dentro de unas semanas haremos el último del año, el de diciembre, y ya estaremos todo reorganizado y a tiempo. Así que nos despedimos. Un saludo para todas y todos y todes y todix. Y que seáis felices. Disfrutar de todo, porque nos queda poco. Y cuidar todo lo que viene de la derecha. Y nos despedimos con un Lofofora de la misma quinta que No One Is Innocent y los tres anteriores. Lofofora ha vuelto a sacar su primer disco también, remasterizado, y se llama Holiday in France. Holiday in France, de 95 el disco, y ya disfrutar. Pues good, have a happy holidays. Oui, tous. Même les gars. Ah non, surtout pas les gars. Ça pourrait sauter à la gueule de tous ces cons. Holiday in France!